Grand 2. Pendant que mes compagnons d'armes devaient continuer à se conduire avec honneur, d'abord à Saint-Calais, et en janvier à Ardennais, sur le plateau d'Auvour, à scier le Guillaume, puis suprême épreuve dans Paris, au mois de mai 1871, j'allais prendre un repos trop tôt gagné, mais non exempt de toute épreuve. Le 9 décembre, dès que mes paysans secourables virent replier notre ligne, l'un d'eux courut à la recherche d'un cacolet, et nous l'amena presque aussitôt. On me hissa sur la chaise de gauche, et en contrepoids, fut placé un autre fantassin qui avait été atteint au ventre par un éclat d'obus. Puis en route vers Jaunes, pour une destination indéterminée. Le doux balancement de mon véhicule original, l'air vif de décembre qui me fouettait le visage, la secrète pensée que chaque pas de notre monture me rapprochait un peu des miens, le vague espoir de les aller retrouver sans que ma conscience eût rien à me reprocher, tout cela me ranima, me rendit cœur. Bien que le vent, en soufflant dans mon bras, me rappela assez vivement ma blessure, je me sentis gagné par une sorte de joyeuse insouciance. À ce moment, je m'en souviens, un capitaine d'état-major nous croisa sur la route. Mon air de jeunesse le frappa sans doute, et aussi tout le sang qui dégouttait de ma manche sur mon pantalon garance qu'il maculait de larges taches vineuses. « Du courage, Fourier !» me dit-il affectueusement au passage. Sans forfanterie, je pus lui répondre que cela ne manquait pas, car pour lui parler, je m'interrompis de fredonner le refrain de la retraite qui s'arrangeait dans ma tête, à la pensée de mes parents. « V'là votre fils qu'on vous ramène !» Il est en bien triste état. Souffrir, cela devait apitoyer sur les maux d'autrui. Il faut avouer pourtant que mon voisin m'importunait fort, par ses plaintes et ses gémissements continuels. Les blessures au ventre sont très douloureuses, mais celles de mon compagnon n'étaient pas des plus graves. Son étui musette avait heureusement amorti le coup. Ses vêtements étaient intacts, au plus était-il contusionné. Aussi je ne me faisais aucun scrupule de chantonner d'autant plus haut qu'il hurlait davantage. Le bon tringlot qui dirigeait notre mulet subissait stoïquement cet étrange concert, tout au souci de sa fonction. Il tenait court le licou de la bête et choisissait avec soin le terrain, car sur la route gelée, elle glissait à chaque pas. Mon voisin, entre deux soupirs, stimulait le zèle du conducteur. Rien n'y fit. Il était écrit que notre mulet tomberait. Il tomba, en nous projetant à 2 ou 3 mètres. Dieu, quels effroyables cris! Comment songer à son propre mal en entendant de telles lamentations? Nous venions d'entrer dans un village qu'occupaient des mobiles. Vite relevés par quelques-uns d'entre eux, nous fûmes conduits dans l'auberge et régalés d'une tasse de café bien chaud. Notre mulet s'étant de son côté remis de sa chute, les mobiles nous réinstallèrent avec précaution sur nos sièges et nous reprîmes notre odyssée par le chemin qui conduit à mer. Au départ, nous avions passé devant des fermes où travaillaient des chirurgiens. Des hommes aux torses nus tachés de rouge, d'autres montrant qui son bras, qui sa jambe ou son pied. Cela avait glissé en quelque sorte sous nos yeux, sans faire sur moi une impression trop profonde. Mais à mesure que le jour avançait et que nous nous rapprochions de la ville, différents chemins aboutissaient à la grande route, où affluaient les blessés, provenant des divers points du champ de bataille. Quelques-uns, les plus rares, suivaient à pied, beaucoup en cacolet, d'autres sur des chariots de toutes formes. Ils offraient un spectacle attristant. Parmi ceux qui étaient couchés sur des charrettes, il y en avait au teint blême et verdâtre. Les convoyeurs n'osaient sans doute pas se défaire d'un fardeau sacré, lors même qu'ils avaient la certitude de ne plus transporter qu'un cadavre. Dans une de ces voitures, j'eus la douleur d'apercevoir, vivant encore, mais trop privé de ses sens pour me reconnaître, le malheureux caporal d'Ariès. Il avait eu, à ce que m'apprit le charretier, une jambe broyée par un obus. Derrière le remblai du chemin de fer, la ville de Mer montra enfin le fait de ses maisons inégales, le grand toit de sa halle et son clocher, qui, toute proportion gardée, rappelle modestement une des tours de Notre-Dame de Paris. La route passe sous un pont, et les habitations se dressent au-delà. Au milieu du faubourg, notre conducteur s'avoua fort embarrassé. Il ne pouvait guère nous transporter plus loin, d'autant que nous avions besoin d'être pansés et de nous reposer. Mais il ne savait où nous laisser. Une foule de malheureux, en attendant d'être évacués dans la direction de Blois, s'entassait à la gare. Nous n'y aurions trouvé aucun abri. Me souvenant de m'être arrêté dans un café du voisinage, je dis aux soldats de nous y conduire. Depuis un mois, l'établissement avait été abandonné. Les volets étaient clos. Alors, par une inspiration soudaine, j'indiquai à notre guide l'épicerie où j'étais entré quelques instants avant notre départ précipité pour Châteaudun. Les blessés reçoivent vite leur récompense. Pour eux, la sollicitude de tous s'éveille aussitôt. Nous fûmes charitablement accueillis par la personne qui m'avait reçu naguère. Tout exigu que fut le logement qu'elle partageait avec sa tante au fond du magasin, elle nous y installa près du feu. Mon compagnon et moi, et en apprenant que nous n'avions reçu aucun soin, elle nous quitta brusquement. Elle se mit à parcourir la ville qu'encombraient les troupes de la division Camo, rétrogradée de Beaugency. Le premier chirurgien qui se trouva sur son chemin, elle nous l'amena. C'était le docteur Charles, médecin-major du 1er régiment de gendarmerie mobile. Après avoir déclaré à mon plaintif compagnon qu'il pourrait reprendre son service dans 15 jours, il s'occupa de moi. Avec affabilité, secondé d'ailleurs par la jeune fille, il me fit un pansement sommaire. Puis il me délivra un certificat constatant la gravité de ma blessure et spécifiant qu'elle exigerait 3 mois de soins. J'aurais dû m'en affliger, mais je ne vis là que l'autorisation implicite de regagner le nid familial. Le docteur fut remercié par notre bienfaitrice, dont la bonté ne se démentit pas un instant et que ma reconnaissance se plaît à rappeler. Chose remarquable, ce court épisode, qui a semé dans mon souvenir un poétique bouquet au parfum impérissable, fut rempli en un cadre trop prosaïque de soins matériels infimes. Préparer un petit chiffon de toile, y étendre prestement du beurre frais, à défaut de cérate, pour oindre mes plaies, me faire prendre de bouillon que de son souffle l'avait refroidi, s'abaisser ensuite jusqu'à défaire mes guêtres ensanglantées pour me permettre de me délasser sur un matelas qui avait été étendu dans l'atelier d'un menuisier voisin. Mais la charité ennoblissait tout cela. Malgré ma faiblesse, je n'en étais pas moins honteux de voir cet inconnu s'agenouiller à mes pieds. « Laissez donc, me dit-elle avec un triste sourire, n'est-ce pas notre seule manière à nous autres de servir notre malheureux pays ?» Le malheur d'autrui n'abolit pas le nôtre, mais il peut nous enseigner à le mieux supporter, en nous rappelant que l'échelle des maux est infinie. Sur mon grabat, je dus me faire tout petit pour partager la place avec un pauvre diable qui avait les deux bras brisés. Jusqu'au jour, je n'osais me remuer, de peur de heurter le misérable que sa double blessure immobilisait comme un mort. Or, les nuits de décembre sont interminables, et celle que je passais là me parut bien la plus longue de ma vie. Le sommeil me fuyait, et mon cerveau semblait tourner dans ma tête. À la lueur vacillante d'une veilleuse, les objets environnants prenaient des formes étranges, fantastiques, effrayantes. L'établi du menuisier, dont l'ombre s'étendait jusqu'à nous, offrait l'aspect d'un catafalque. Plusieurs planches, dressées contre les murs, avaient des blancheurs de fantômes, et le jeu de la lumière leur donnait un semblant d'agitation. La fièvre gagnait sur moi, incontestablement, et quand, par un effort de volonté, je parvenais à la vaincre, à ressaisir le sentiment exact des choses, une autre terreur surgissait. Je prêtais anxieusement l'oreille aux rumeurs de la rue. À la nouvelle de l'abandon de Beaugency, le bruit s'était répandu que les Allemands s'avançaient rapidement et que la ville de Mer allait être envahie. Les chevaux qui parfois passaient au galop appartenaient-ils à nos estafettes ou à quelques hulans audacieux? Étaient-ce déjà les pas de nos ennemis qui résonnaient sur le pavé de la rue? Le jour allait-il nous trouver libres ou prisonniers? Dans l'immobilité pénible où j'étais réduit, un incident futile vint cependant me distraire. Un petit objet comme un caillou roulait sous mes talons, me gênait. Je me creusais vainement l'esprit à en déterminer la forme et la nature sans pouvoir l'atteindre. Au jour enfin, je reconnus une balle tronconique, de la grosseur du pouce toute mâchée. C'était celle qui m'avait blessé. Après m'avoir contusionné la cuisse, elle était descendue dans ma guêtre. Soigneusement, je la recueillis. Mon frère aîné m'avait demandé un souvenir des Allemands. Il ne m'avait pas laissé en ramasser un, mais me l'avait envoyé. Faute de mieux, il faudrait que mon collectionneur s'en contentât. Je comptais bien pouvoir le lui rapporter, les troupes françaises occupant encore la ville. En les voyant circuler dans la rue, j'éprouvais autant de joie que si elles venaient réellement de nous délivrer. Le 10 dans la matinée, il me fallut donc dire adieu à ma gracieuse et douce infirmière. Tremblant de fièvre et de froid, boitant, traînant l'aile et tirant le pied, je gagnais la gare, où d'heure en heure des trains formés à la hâte emportaient par centaines des débris humains de l'armée de la Loire. Dans la station gisaient les plus grièvement atteints. D'autres, qui comme moi pouvaient marcher encore, gagnaient le bord de la voie. Parmi eux, quelques-uns de nos adversaires, bavarois au casque en cuir bouilli. Deux avaient été frappés à la tête, un autre au bras. La solidarité du malheur ne s'était pas encore établie d'eux à nous. Trop des nôtres subissaient leur sort pour que notre rancune fût tombée tout d'un coup. Du reste, ils paraissaient résignés, sous leur linge sanglant. Ils furent bientôt embarqués, et de mon côté, je trouvai place dans le fond d'une voiture à bestiaux. Quoique ma jambe fût toujours raide et endolorie, je n'eus garde de me coucher. Je m'efforçai de taper des pieds dans mon coin. Long exercice. Le train glissa tout doucement, par bonheur, hors des rails, pendant la première nuit. Le trajet de mer à Bordeaux dura 48 heures par un froid sibérien. Les malheureux qui, autour de moi, n'avaient pas la ressource de m'imiter, enduraient le martyre. Tandis que d'autres souvenirs me reviennent avec une admirable netteté, ce triste tableau, trop longtemps placé sous mes yeux, échappe à ma mémoire. De ses entassements se dégage un petit chasseur à pied, au visage d'enfant, grelottant en un coin dans sa veste courte, sans manteau ni couverture. Il avait, je crois, une main écrasée. Plus près de moi était tendu un malheureux garde-mobile dont le pied tient à peine à la jambe, par quelques fibres. Pourtant, ni les uns ni les autres ne se plaignaient guère. Il ne fut certainement pas échangé 10 paroles entre nous durant ces 2 longues journées. C'est une chose remarquable que la morne résignation des soldats mutilés. Aux prises avec la douleur, en attendant la révélation du grand mystère de la mort, ils deviennent silencieux et graves. Les hurleurs sont généralement les moins atteints. Les autres regardent venir stoïquement la guérison incertaine, lointaine en tout cas, indifférents à ce qui les environne, et dédaigneux même de la commisération. À Bordeaux, quant à moi, j'étais vaincu. La fièvre commençait à m'accabler. Mon bras semblait s'appesantir davantage d'instant en instant. Je craignais de ne pouvoir résister jusqu'au terme de mon voyage. J'appris d'ailleurs avec inquiétude que notre train allait être dirigé sur Mont-de-Marsan et sur Bayonne. Un sous-lieutenant militaire se trouvait sur le quai. Je lui exprimai mon désir de rentrer à Toulouse et lui parlai du certificat du docteur Charles. Il n'hésita pas à me faire descendre. Il m'autorisa à aller prendre un autre train à la gare Saint-Jean, de l'autre côté de la Garonne, après m'avoir engagé à me faire panser dans une salle dont il m'indiqua l'entrée. Cette salle était le hall d'attente, peu élevé de toiture, mais d'une très vaste superficie. Le gaz l'éclairait médiocrement. Quand je poussai devant moi la porte vitrée, une odeur âcre me prit à la gorge, une odeur indécise, entre l'abattoir et le charnier. Le sol n'était qu'une immense litière, jonchée de victimes saignantes, et de distance en distance circulaient avec précaution quelques sœurs grises dont les cornettes blanches semblaient lumineuses dans l'obscurité relative. Une rumeur de plainte, dominée par des hurlements sonores, s'élevait de ce lit commun de nobles souffrances. À ce douloureux spectacle, j'oubliais mon propre mal et me sentis assailli par de plus hautes pensées. Dans notre guerre à outrance, il fallait bien que la victoire restât à l'une des deux nations. L'autre, à défaut de gloire, pouvait du moins revendiquer l'estime du monde en se défendant jusqu'à l'épuisement. Dans cette lutte où tombaient tant de Français, peu importait qu'ils fussent vaincus. Il est vrai que nous n'ajouterions pas de trophées à ceux que nos aînés ont entassés à l'hôtel des Invalides, mais nous souffrions assez pour avoir droit plus tard au respect de nos cadets. Oui, malgré nos désastres inouïs, nous pouvions, sans forfanterie, comme les Russes après la défense héroïque de Sébastopol, répéter le mot du vaincu de Pavie, « Tout est perdu, fort l'honneur ». Devant le sombre tableau qui s'était offert à mes yeux, une pitié profonde, mêlée d'un certain orgueil, m'avait donc envahi. Naréval, Dariès, le malheureux caporal Tillot et mes autres compagnons d'armes, qui peut-être avaient succombé à leur tour, tous me revinrent en mémoire, et en pensant à eux, je fus saisi de la crainte de fouler aux pieds quelques-uns des martyrs qui se tordaient sur cette paille ensanglantée, tandis que mon bras n'exigeait pas des soins immédiats. Quand j'eus refermé la porte de l'étrange salle d'attente où l'on sentait planer la mort, je m'éloignai en frissonnant malgré moi. Je quittai la gare pour marcher un peu, pour me convaincre aussi que, quoique frappé, je n'étais pas tout à fait abattu. Quelque temps avant la guerre, j'avais fait à Bordeaux un court séjour chez de vieux amis de mon père. Mais ils habitaient loin du centre, près de Codéran, une maison isolée, ce que les Bordelais nomment une échoppe. La ville m'était peu familière. L'idée d'aller si loin ne m'était pas venue d'abord. Seul sur le pavé de la Bastide, dans la demi-obscurité de l'aube, luttant avec la lueur pâlissante des papillons de gaz, devant la vaste étendue brumeuse qui marquait le lit du fleuve Gascon, j'eus une sorte de défaillance morale. Il me parut impossible de reprendre ma route sans un relais. Je me laissai séduire à la pensée de me reposer en face de visages amis. Mais près d'une lieue me séparait de Codéran, une lieue de quai, de place, de rue. Comment se retrouver dans un pareil dédale? Heureusement, au fond de mon gousset, dormait un écu de 5 francs, superstitieusement gardé comme un encas suprême. Le moment était venu de faire donner la réserve. Devant moi se trouvait un débit où mangeaient et buvaient quelques débardeurs du port. J'y entrai. Tandis que je prenais une tasse de café, un homme voulut bien m'aller chercher une voiture. Une heure durant, elle me cahota. Du moins, mon bras répercutait les moindres secousses. Elle me déposa tout là-bas, au moment même où nos bons amis ouvraient leurs volets. Il serait difficile de peindre leur pénible surprise, en me reconnaissant dans le militaire, pâle et faible, qui ne pouvait parvenir à ouvrir la voiture. Ils accoururent, firent céder la portière, me soutinrent jusque dans la maison. Le premier moment de stupeur passé, les braves gens préparèrent pour moi, afin de me voir plus près d'eux, un lit, où personne ne s'était reposé depuis qu'ils y avaient vu mourir leur unique enfant. Ensuite, ils appelèrent mon père par le télégraphe.